avec Wanted Dog. C'était pour. Il cherchait un chien, donc, mais c'était pour un casting. Et donc ces journées seront présentées donc le 25 octobre. Et puis, dans le cadre du jeune public, les 27 et 29, alors mercredi 27 et samedi 29 octobre, Non, 30, samedi 30. samedi 30, À samedi, 14h30. à 14h30, ces films seront accompagnés pour la soirée d'ouverture par un compositeur qui s'appelle Laurence Lehérissé Médiès, petit Arrière fils petit-fils de Mélès, de Mélès, Médiès. Et pour les autres, comme on n'a pas de piano au Grand Boulevard, oui. les séances jeunes publics se passant au Grand Boulevard, il y aura deux autres musiciens, Christophe Malaval et Sébastien Clément, qui seront accompagnés à clarinette, percussion. Voilà. Voilà, bon, une vraie curiosité du Rizotec. Je pense que, à part Serge, qui a à peu près tout vu en matière Oh, d'animation, n'exagérons pas. je pense qu'à peu près personne ne connaît cette série. C'est Non. vraiment l'occasion de découvrir quelque chose de très très rare, qu'on n'aura probablement pas l'occasion de revoir avant des années. On ne Oui, sait jamais, après, enfin c'est bon. sauvé. Ce qu'il y a de bien, c'est que Oui, ces films sont ouais. sauvés. D'abord, on ne savait pas qu'ils existaient. Et ensuite, on sait à présent qu'ils sont sauvés, ce qui est formidable. Et comme cette année, ils vont en présenter encore une dizaine, donc il y a à peu près une bonne trentaine déjà de films sauvés de cette série. Donc, au moins la moitié Donc, de rendez-vous la l'année série. prochaine pour la suite, non? Alors, à l'occasion, L'occasion. on en représentera par la suite. Au moment où j'ai eu connaissance de Jerry, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas pris ça très au sérieux parce que je n'ai vu aucune trace, je n'ai pas vu à quoi ressemblait le personnage, c'était bien dessiné ou pas. Alors je me suis dit, oh, ça c'est une petite série, il ne doit rester rien du tout. Par mesure de précaution, au National Film Archive, j'ai vérifié s'il y avait quelque chose. Oh non, ça, à notre connaissance, enfin il y a encore des vieux films un peu gâtés, peut-être, dans les vieilles actualités, on n'a pas encore regardé. Et en fait, ça se passait bêtement au Pays de Galles. Suffisait d'y aller. Mais ça, la pensée ne m'était pas venue à cette époque. Alors c'est vraiment pour la France un scoop, et ce n'est pas tous les jours que nous pouvons annoncer une nouvelle comme celle-ci. Faut associer aussi pour la redécouverte de ces films Dave Berry, aussi de la Cinémathèque du Pays de Galles, qui est l'archiviste, et c'est John Reed et Dave Berry qui ont ressorti cette série de Jerry de Taïk. Ah, permettez-moi de demander, est-ce que, en revanche, est-ce que vous pouvez leur fournir des choses qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire des dessins animés semblables dont ils n'ont jamais entendu parler en Angleterre, au Pays de Galles notamment, et rendre l'appareil? Ah ben, pour l'instant, difficile parce que bon, en France, tout ce qu'on connaît plus ou moins a été déjà présenté. Donc, mais on peut-être découvrir d'autres choses puisque la preuve, c'est que en 2003, on découvre un personnage que les historiens ne connaissaient pas. Donc, il se peut que dans d'autres pays, il y ait d'autres personnages à redécouvrir. Et donc ça, c'est peut-être que ça nous amènera à encore voir d'autres films dans les festivals et essayer de ramener ce genre de cinéma. Voir un Émile Cole qui manque et qu'on cherche partout, peut-être, au Pays Oui, de vous savez Galles, que Émile Cole, dans il y a une quelques... grotte de quelque On en connaît part. beaucoup, mais il y en a beaucoup qui sont Oui. considérés Non, comme mais il y disparus. a une vingtaine d'années, il y avait énormément de films qu'on croyait disparus à tout jamais, grâce à des festivals comme il y a eu à Pordenone, à Bologne, quand il y a eu au moment donné Ciné-Mémoire à Paris, ça fait ressortir énormément de copies anciennes, comme ça qu'on croyait, ou de films anciens qu'on pensait être complètement disparus. On a retrouvé des John Ford, on a retrouvé des Lubitsch, etc. Donc on espère toujours découvrir la Thérèse Raquin de Feder et d'autres films. Et d'ailleurs, même dans Léonce Perret, il y a une Madame sans gêne qu'on aimerait bien retrouver, puisqu'on va rendre hommage bientôt Léonce à Perret, Léonce Perret. qui est un... Et voilà un des films qui est avec Gloria Swanson, que pour l'instant, on n'a pas trouvé de copie. réalisateur du muet français, qui Oui. commençait dans les années 10, je De crois. la Gaumont, Oui, même un des avant. piliers de la Gaumont, acteur, metteur en scène, scénariste. Comme c'est stimulant. Ben, je voudrais rappeler qu'Alberto Del Fabbro, c'est aussi celui qui programme l'art du court-métrage dont on parle régulièrement dans cette émission. Non seulement vous aimez l'animation, mais vous aimez en plus ça le court-métrage. Ça, continue, oui. Ça va continuer encore un petit peu là. Oui, ben, jusqu'à la fermeture de nos deux salles au mois de février, puisqu'après on va aller s'installer à Bercy il y aura en pas septembre. Il y aura pas, ça sera tout de suite, il n'y aura pas de trou entre les deux, non? Si, il va y avoir un trou entre février et septembre pour préparer l'ouverture de Bercy avec Renoir, c'est-à-dire hommage à Auguste, Jean, Pierre, Claude, Renoir. Toute la famille. Donc, voilà. Toute la famille Renoir. Donc on va être privé pendant 6 mois à peu près de Cinémathèque française. Voilà, bon, mais on prête quand même des films dans beaucoup de festivals et en même temps même à Paris dans d'autres institutions comme le Forum des Images, le Centre Pompidou. Il y aura aussi des films qui seront prêtés au musée d'Orsay, parce qu'ils vont préparer, j'ai vu Jean de Baroncelli, donc voilà. Non, Capellani. Albert Capellani. Très bien, merci beaucoup Alberto Del Fabon. On va faire une nouvelle pause musicale. Qu'est-ce que je vais sortir de mon petit chapeau? Je vous propose d'aller faire un petit tour en Amérique latine avec Ibrahim Ferrer, qui a été quelqu'un qu'on ne connaissait pas vraiment, qui a été mis en avant par le travail, un documentaire de Wim Wenders, un chanteur cubain, Ibrahim Ferrer, qui est devenu populaire à quoi, je sais pas, 75 ou 80 ans, hein, pas loin, ouais, oui. Pendant ces eaux-là. Il était temps. Et oui, il était temps, avec Buenos Hermanos. Donc on écoute Ibrahim Ferrer, un chanteur cubain, c'est très très beau ce qu'il fait. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, 89.4, c'est Bulle de Rêve. Et on va parler un petit peu d'animation polonaise maintenant, puisque la BPI a eu la bonne idée de programmer une rétrospective d'animation japonaise, quelque chose raconte polonaise qui débute à l'occasion de cette fête et qui se prolongera jusqu'au 15 novembre. Donc l'ouverture, c'est le 25 octobre jusqu'au 15 novembre, pendant 20 jours à peu près. Regard sur le cinéma d'animation polonais. Donc Ghislaine Zano, vous êtes occupée de la programmation de cette manifestation. Quelle mouche vous a piqué? Quelle mouche vous a piqué? D'abord, c'était un accord culturel et c'est toujours intéressant puisque la Pologne entre dans l'Union européenne et que c'était aussi une très bonne opportunité pour avoir et montrer un certain nombre de films et de rendre hommage à des réalisateurs qu'on connaît peu en France. Qu'on voit peu en tout cas. Et donc d'avoir un ensemble de films, ce sont des petites merveilles. On a découvert aussi des choses en les regardant. On connaissait peut-être pas très bien le cinéma polonais, un petit peu quand même, puisqu'on avait envie de le montrer, mais maintenant on le connaît beaucoup mieux et j'espère que le public va pouvoir s'y intéresser et partager cet engouement. Alors il est vrai qu'on connaissait beaucoup des réalisateurs qui sont installés en France et qui sont notamment Jan Nenica, Valerian Borowczyk et Piotr Kemmler, pour n'en citer que quelques-uns. Ceux-là sont des grands cinéastes d'animation Se sont installés en France. Donc, on connaissait leurs œuvres, évidemment, puisque notamment Piotr Kemmler a beaucoup travaillé pour le service de la recherche de l'ORTF. Par contre, on connaît moins bien, eh bien les productions des écoles de cinéma d'animation polonaise, puisqu'on va commencer par la fête de l'animation et par ces écoles. Il y en a trois, dont la plus connue est LOTS. Je suis absolument... J'ai un accent polonais très très mauvais, terrible. C'est avant tout une grande école de cinéma, hein, tout de à sorte fait. Des gens comme Roman Polanski ou Jerzy Skolimowski, par exemple. Et c'est une... il s'agissait surtout de montrer ce que faisait leur département en cinéma d'animation ou leur studio, leur production d'animation pour ces écoles. Bien évidemment, elles font d'autres choses. Il y a l'école de Cracovie et l'école de Varsovie aussi. C'est une manière aussi de rendre hommage à la jeune génération. Oui, parce que finalement, on connaît moins des cinéastes d'animation polonais contemporain. C'est vrai qu'un peu comme tous les pays de l'Europe de l'Est, après la chute du communisme, la production s'est un peu effondrée, pour reprendre un petit peu maintenant. Mais c'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, quand on voit les noms des gens qui font l'objet d'une rétrospective là, c'est quand même des gens qui ont plutôt débuté dans les années 60-70. Tout à fait. Mais je crois que la relève existe et que la relève est certainement dans les écoles de cinéma d'animation aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de dire que finalement, c'est un petit peu difficile. C'est un exercice, une figure imposée, un film de fin d'études ou un film réalisé dans le cadre d'une école, puisque le propos est quand même de montrer un petit peu la maîtrise des différentes techniques et que c'est l'objet en fait de ce film. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des films qui étaient des petites merveilles, très fascinants, qui sont très prometteurs par rapport à des talents, soit qui se sont révélés plus tard, soit qui n'ont pas cessé, je dirais, de s'affirmer. Et c'est un vrai plaisir que de les visionner et de les sélectionner. Alors maintenant, vous avez vu... Excusez-moi Serge, maintenant vous avez vu plein de films d'animation japonais. Ça me perturbe. Pourquoi il n'y a pas tellement de ressemblance a priori? Justement, est-ce qu'il y a des caractères particuliers à ce cinéma d'animation? Il y a des choses qui vous ont frappé, non? Parce que on a un peu l'impression comme ça, cinéma polonais, quelque chose d'un peu triste. C'est un humour très corrosif, il y a beaucoup de critiques sociales, évidemment. Critiques sociales, c'est aussi un petit peu des coups de griffe à la religion, parce que ça a pesé aussi beaucoup sur la société polonaise, la politique évidemment, et puis la vie quotidienne, tous les problèmes de vie quotidienne, donc avec un regard très cynique ou corrosif dessus, et ça donne un humour assez particulier, et c'est un vrai plaisir. Et puis il y a l'art aussi, puisqu'il y a beaucoup de films, beaucoup de poésie. C'est très adulte, il faut dire. Très adulte. Comme genre, ça ne s'adresse pas aux petits-enfants comme une autre production qui existe. Et je ne veux pas rabaisser cette production-là, mais simplement, entendons-nous, ceux dont nous parlons là, ce sont des films qui font réfléchir, des films après coup, qui sont très, très courts, mais pleins de significations, pleins de choses cachées. Et c'est peut-être un peu quelquefois l'erreur que peut commettre... Je dirais le public, c'est d'associer cinéma d'animation et film pour enfants. Or, le cinéma d'animation est aujourd'hui très adulte, l'était déjà, mais maintenant s'affirme de plus en plus. Et on n'en a pas dans le programme de déconseiller aux enfants, mais peut être parfois déconseillé aux enfants. En l'occurrence, ce programme est d'abord un programme de films pour les adultes. Et nous n'avons pas de films pour les enfants dans ce programme, ce qui ne veut pas dire que certains ne soient pas intéressants aussi pour des enfants, notamment le programme, par exemple, de films d'art. Oui. Ceci dit, il existe aussi une production polonaise de films plutôt pour les enfants, notamment des choses en volume, en marionnette. Ça ne vous montrez pas vraiment ça. Que nous n'avons pas choisi de présenter, mais ça sera peut-être l'objet d'autres programmations plus tard. Une cinématographie très riche quand même. Oui. Alors, parmi les gens dont vous allez faire une rétrospective, là, il y a Witold. Alors, je vais essayer de me lancer, je ne suis pas très très doué pour le polonais non plus, mais Witold Giersch. Miroslav Kijowicz. C'est pas mal ça, oui. Daniel Sekoura, Richard Zekala, Jerzy Kucha. Kucha qui viendra d'ailleurs, qui va se déplacer. Nous avons quelques réalisateurs invités et qui seront présents. Donc d'une part, Mala, que j'aime beaucoup personnellement, Zbigniew Rzymski qui s'était rendu célèbre par un tango endiablé. Tout à fait. Stéphane Schabenbeck et quelqu'un que je ne connais pas du tout personnellement qui s'appelle Julian Antonich. Vous pouvez me dire un mot sur Julian Antonich? C'est la question piège. C'est la question piège. Je ne sais pas. Le but, c'est d'aller voir ses films. Oui. Personne ne sait vraiment qui c'est. Là. C'est Anton Chia. Pour parler du cinéma d'animation polonais, moi j'en ai passé un qui était admirable, justement de Giersch, qui s'appelle La Tente. Ouais. Et c'est un petit bijou. C'est sur la danse en même temps. Et ça part de prise de vue réelle où il y a un personnage qui attend et avec sa serviette de papier de restaurant, il fabrique deux personnages et ils se mettent en mouvement et c'est d'une poésie extraordinaire. Et donc, voilà le cinéma polonais d'animation. Et je suppose que il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce cinéma. Et je conseille aux gens d'y aller aussi. Et Witold Giersch est d'ailleurs l'inventeur de la peinture animée, puisqu'il a beaucoup utilisé son vrai tableau et qui s'anime. Et c'est une merveille. Il est toujours en activité, d'ailleurs, je crois. Ah oui, oui. Il sera présent à l'ouverture. Et comme le cheval, K-O-N, le cheval. En peinture animée, puis il a continué d'un film à l'autre à s'améliorer. C'est vraiment quelque chose de très caractéristique. Pouvez-vous nous parler d'autres techniques? Parce qu'il ne faut pas s'imaginer ici que, comme pour Jerzy, j'allais dire, Jerry the Tank, Jerzy Croquis. Oui, il n'y a pas de dessin animé uniquement, justement. Non, pas du tout. Je crois que là, avec ce programme, on va faire absolument toute la palette des différentes techniques. C'est-à-dire qu'on a des collages, des papiers découpés, des dessins avec des choses rapportées dessus, effectivement la peinture animée, du sable, bon on a même d'autres produits qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire bon, des choses collées, du café, enfin bon, on a, oui, je crois qu'on fait absolument la palette des techniques, ce qui est important, des plâtres, oui tout à fait, et puis qui sont d'ailleurs grattés, repeints, et ce qui est intéressant, c'est que c'est la magie de l'image. Je dirais que la technique s'efface complètement. Tout à fait. C'est intéressant de savoir comment ça a été fait, mais le plaisir de les voir est aussi très, très important. Donc, on aura aussi Jerzy Kucia, qui est, lui, on peut dire, le pape de l'abstrait. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré de le dire comme cela. Mais c'est vrai qu'il a utilisé beaucoup il utilise l'abstraction et il en fait quelque chose de très intéressant. Et puis je ne peux que vous encourager à venir voir ce programme qui va durer donc jusqu'au 15 novembre, qui commence avec l'ouverture le 26 octobre et c'est tous les soirs en salle cinéma au centre Pompidou. Uniquement le soir. uniquement le soir parce que c'est plus facile, je crois, pour le public d'être disponible le soir. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de les programmer le soir, parce qu'on voudrait arriver à les faire connaître et à les faire découvrir. Je pense qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu tous ces films en France, enfin, à part effectivement ceux des réalisateurs franco-polonais qui sont quand même un peu plus montrés régulièrement. Mais là, il y a des choses tout à fait étonnantes que je pense que toute une génération peut découvrir à cette occasion. Ah oui, c'est un mast sur la place de Paris. Et c'est extraordinaire parce que ce sont des films d'artistes, c'est-à-dire des films qui sont dominés. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui dirige, mais c'est quelqu'un qui conçoit le film, qui l'anime, qui souvent le monte naturellement. À part la caméra et la musique, il fait tout lui-même. Tout à fait. Donc ça permet de créer complètement et d'être très très libre dans la création puisque le réalisateur fait tout. Il ne faut pas rater ça. Et c'est la plus grosse rétrospective, les Polonais disent mondiale, jamais présentée. Donc c'est vraiment l'occasion de voir ces films qui passent parfois dans les festivals, mais qui sont très difficilement diffusés Surtout qu'on ne voit pas la télévision. Et qu'on ne voit pas la télévision. On en a vu quelques-uns, mais des plus connus. Et sinon, Tango est passé quand même. Mais il y a tous les autres. Et puis le fait de voir tout ça ensemble sur une période assez courte, ça permet d'avoir une vue qui est tout à fait différente que d'en voir un par-ci, par-là. Ça permet d'avoir un regard un peu comparatif, de découvrir aussi, de comparer les techniques. Il n'y a que des cours, là, il n'y a pas du tout... Que des cours. Pouvez-vous nous parler encore des films les plus récents? Parce que là, nous parlions de films anciens, en une ligne. Vous avez des films polonais qui viennent d'être... On a le dernier, donc, film de Jan Lenica. Le dernier qu'il a fait juste avant de décéder malheureusement puisqu'il n'est plus parmi nous, et je ne vais pas parler de ce film mais plutôt vous inviter à venir le découvrir. Nous allons le présenter et en séance d'ouverture et en séance de clôture. La séance de clôture est en public, donc c'était une manière aussi d'une part de faire une ouverture un peu sur invitation qui touche un certain nombre de professionnels, mais de laisser aussi une clôture tout à fait ouverte et de montrer des films que nous passons dans un cadre peut-être un peu solennel au début de ce programme, mais qu'il est bien de montrer et de faire connaître. Je voudrais ajouter que Lenica était affichiste aussi et il a fait des affiches de cinéma notamment qui sont extrêmement personnelles et tout de suite reconnaissables. Et en plus en France, il a travaillé dans les années 50, début 60 avec nos propres réalisateurs de dessins animés, des choses comme Monsieur Tête avec Henri Gruel et même un long métrage sur Ubu. Il a travaillé en Allemagne aussi. C'est un garçon qui a fait des longs métrages, on peut dire tout seul, avec peut-être 2-3 assistants, pas plus, des films de plus d'une heure. Donc c'est particulièrement émouvant de pouvoir voir un film que nous ignorons, même moi je n'ai pas vu, ce qui est... Comme quoi, on n'a pas tout vu. Oh, on n'a jamais tout vu. Heureusement, oui, tout à fait. Et alors, c'est particulièrement bien qu'on ait l'occasion de voir et revoir le dernier film de Lenica, puisque vous avez vous-même dit que ça ouvrait la séance. C'était une manière d'encadrer comme ça le programme. Alors, ça commence donc le 27 octobre et ça se termine le 15 novembre au soir. C'est tous les soirs en salle cinéma 1 au centre Pompidou et la séance d'ouverture est donc le 26 octobre. Si vous souhaitez des invitations pour les auditeurs qui sont à l'écoute, vous pouvez contacter la radio et nous ferons plaisir de vous envoyer une invitation. Sauter sur l'occasion. On peut peut-être rappeler que la BPI, c'est aussi des séances régulières où il y a pas seulement de l'animation, mais il y en a beaucoup quand même, beaucoup. Et nous avons un fonds d'animation permanent, c'est-à-dire qu'on a constitué un fonds qui est disponible pour le public qui vient à la bibliothèque gratuitement et qui peut voir des films d'animation. Nous en avons à peu près, on va dire, 200. Ce sont des courts-métrages, il y a des longs-métrages aussi, et c'est disponible donc à la bibliothèque. Et nous organisons régulièrement des programmations de films d'animation, et particulièrement la reprise du Festival d'Annecy, donc le palmarès de l'année, avec des programmes découvertes. Et tous les ans, pour la fête de l'animation, il y a aussi des programmes de films d'animation. Que voilà de bonnes nouvelles. Ouais, d'ailleurs, pour la première fête du cinéma d'animation, je me rappelle qu'il y avait une séance au même moment à la Cinémathèque française et à la BPI. Je crois qu'il y avait du monde partout et je me suis dit ce jour-là, c'est bien parti, on a bien fait de la, on a bien fait de la lancer. Merci Ghislaine Zanos. On va faire une nouvelle petite pause musicale. Et je crois que vous nous avez amené des choses extraordinaires. Ça, c'est ma fille qui a fait pression. C'est un clin d'œil. Je sais pas. Alors, maman contrainte. Pas s'il y a... Non, pas tout à fait. Mais c'est un groupe pop rock qui n'a absolument rien à voir avec les films d'animation, mais qui fait un tabac chez les adolescents, enfin, tout au moins une partie des adolescents, et en tout cas, certainement en Angleterre. Et donc, c'est vrai qu'il passe assez rarement sur les radios, et ça, c'est le groupe Busted. Et alors, qu'est-ce qu'on va écouter ? Alors, les morceaux, je ne connais pas par cœur, mais je pense que vous allez... Alors, on va écouter un titre et puis on dira son nom, son nom après. Mais c'est vrai que c'est le choix de ma fille. Bon, eh ben, très bien, on écoute et on se retrouve après. Just